Te brûle. Cette guerre marquera on la fin. On doit travailler pour l'État. On doit de l'oseille à l'État. On doit se soumettre à l'État. Donc imagine mon État. On est en guerre, ouais. Prévient l'équipe, prévient les petits frères. Et t'as dit j'en vis chez pirates. Soyez armés, fermez vos frontières. On a repris le flambeau, mais le manche est en train de brûler. La guerre est omniprésente comme CST sur toutes vos armées. Black Castle sur le tempo annonce la guerre, c'est le thé. Mais on veut qu'une seule chose, c'est le saut. Mais désert de vengeance, c'est la paix. Tu plies le ciel. C'est la guerre.